بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي المصطفى الذي أرسله الله على جميع الثقلين الجن والإنس ليكون للعالمين نذيرا ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن شاء الله تعالى avant d'aborder l'épisode d'aujourd'hui j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans la première semaine du mois de Ramadan le quatrième jour de ce mois de Ramadan le mois du Coran. L'avez-vous terminé? En êtes-vous à sa moitié? L'avez-vous consommé? Où en es-tu, mon frère, ma sœur, dans ta lecture du Coran? Combien de fois est-ce que tu comptes l'achever durant ce mois sacré? À cet égard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit... À cet égard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Celui qui lit une harf du Coran obtient une certaine récompense, et la récompense est multipliée par 10. » Je ne dis pas que « Alif Lam Mim » est une harf, mais plutôt que « Alif » est une harf, que « Lam » est une harf, et que « Mim » est une harf. Et n'oubliez pas que toute bonne action que vous accomplissez durant ce mois de Ramadan est multipliée par 70, Bifadillahi Azza wa Jal. Donc la lecture du Coran constitue une bonne opportunité d'être largement récompensé. Accentue dans celle-ci. Ne minimise pas. Ne sois pas faible dans ta détermination. Et en plus du fait que la lecture du Coran permette l'inscription à notre actif de bonnes œuvres, de hasanat, la lecture du Coran est indispensable pour nos vies. Dans nos vies, et aussi dans celle de l'au-delà. Au niveau de cette vie d'ici-bas, le Coran fournit une guérison de tout mot, une miséricorde et une lumière qui nous guide vers le bon chemin. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique cela et nous expose cela. Il dit subhanahu azza wa jal, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient certes dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Ya ayyuhalladhina ya ayyuhannasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit dans sourate Yunus, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines et un guide et une miséricorde pour les croyants. Ya ayyuhannasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Et en ce qui concerne la vie future dans l'au-delà, le Coran est pour nous un intercesseur, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, lisez le Coran, car il viendra au jour de la résurrection comme un intercesseur en faveur de ceux qui le lisaient. Or, la plupart des gens ne lisent pas attentivement le Coran. C'est pourquoi l'un des problèmes majeurs est qu'ils ne perçoivent pas la réalité des choses. Ils ne perçoivent pas la réalité des événements qui vivent. ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. En d'autres termes, ceux-ci accordent un grand intérêt à des choses futiles, comme par exemple les gains matériels et les choses de la vie d'ici-bas, alors qu'ils ne se préoccupent pas de la perte de leur valeur morale, la perte de leur religion. Tout ceci est normal pour eux. Et pourtant, le héros dont nous allons parler aujourd'hui, dans notre quatrième épisode de notre série Ma'at Tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib, l'un des successeurs, parmi les grands successeurs. Celui-ci offrait le meilleur exemple de la personne dont la vie est intrinsèquement liée au Coran. Et cette chose-là lui a permis de percevoir la réalité des choses. Il est né en l'an 14 de l'Hégire, 2 ans après le califat de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il appartient à la tribu de Beni Makhzoum et son aïeul, son ancêtre, était Khalid ibn al-Walid. Il a passé toute sa vie à Médine. Il est considéré comme l'un des érudits, des grands savants les plus distingués de Médine à l'époque des tabi'in, des successeurs. On lui doit la moitié des sciences de la jurisprudence, la prière, les ablutions, le jeûne. Tout ça, toute la moitié de ça que nous connaissons aujourd'hui, c'est à lui que nous le devons. C'est pourquoi il mérite par excellence d'être le plus éminent parmi toute la classe des successeurs. Quelle était son histoire avec le Coran? Tout au long de sa vie, Saïd ibn Musayyib était très influencé par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment par Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Celui-ci fut l'un des scribes à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait accordé le privilège de mettre par écrit, sous sa dictée, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était chargé au temps du califat de Abu Bakr radiallahu anhu de rassembler les fragments éparpillés et de compiler l'ensemble des versets coraniques en un seul livre. À l'âge de 12 ans seulement, Saïd demanda à Zayd ibn Thabit un conseil qui lui assure le bonheur dans la vie d'ici-bas et qui lui garantit le paradis dans l'au-delà. Subhanallah. Remarquant là la véracité et le sérieux dans les yeux de cet enfant, Zayd ibn Thabit le conseilla de suivre les 2 versets suivants. Le premier verset se trouve dans Sourate Al-Imran, au verset 185. À la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » Il dit à la fin de ce verset: « Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Et le second conseil se trouve toujours dans le Coran, cette fois-ci dans Sourate Al-Hajj, au verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Tels étaient les 2 conseils de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Ces 2 versets mettent en relief l'idée mentionnée ci-dessus, celle de la perception de la réalité des choses. Le premier verset clarifie que cette vie est éphémère et on ne doit donc pas lui accorder une grande importance, lui accorder de la grande valeur. Quant au second verset, il nous indique que les différents actes rituels tels que la prière, le jeûne, le hajj, ainsi que la morale doivent occuper la priorité dans notre cœur. La priorité dans notre cœur. Mais Saïd ibn Musayyib interrogea Zayd ibn Thabit sur la manière la plus adéquate pour pouvoir suivre ce conseil-là. Subhanallah. Comment est-ce que je dois suivre ce conseil? Zayd lui répliqua: la lecture quotidienne du Coran te permet de voir la valeur des choses. N'as-tu pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 9? إن هذا القرآن يهدي يهدي للتي هي أقوم. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc en lisant, tu verras qu'un verset touche plus ton cœur qu'un autre verset. Il s'agit donc d'un message divin pour toi. Et ton devoir est alors de sentir ce verset et de le mettre en œuvre dans ta vie. Est-ce qu'il est possible que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu suives ce conseil, au moins durant ce mois de Ramadan? Si vous réussissez à le faire, alors le Coran sera pour vous non seulement une source de récompense, mais également une source de guérison, un guide et un intercesseur au jour de la résurrection, bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Voyons maintenant quelques versets qui ont joué un grand rôle dans la vie de Saïd ibn Musayyib. À l'âge de 12 ans, il a lu le verset de Surat An-Nur, verset 36 à 38. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى dit: dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève, que l'on l'élève, et où son nom est évoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'accomplissement de la zakat, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Après avoir lu ces versets, il décida d'exalter l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala en restant assidu à accomplir la prière à la mosquée. Saïd ibn Musayyib avoua: je n'ai jamais raté la prière au premier rang à la mosquée et je n'ai pas vu le dos d'un homme depuis 30 ans. Allahu Akbar. Il affirma aussi que depuis cette période-là, il n'a jamais écouté l'appel à la prière en dehors de la mosquée. À chaque fois que l'appel à la prière avait lieu, il était déjà présent dans celle-ci. Il est important de souligner que l'accomplissement de la prière à la mosquée au premier rang ne constitue pas un privilège des successeurs exclusivement. Dans notre vie moderne, il y a également de nombreuses personnes qui s'attachent à faire la prière à la mosquée au premier rang. Ce sont donc des exemples qu'on doit suivre dans notre vie. Surtout que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'un des actes par quoi Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et augmente les degrés est la multiplication des pas qui mènent à la mosquée. Un second verset qui a marqué la vie de Saïd ibn Musayyib était lorsqu'il avait 14 ans. À cet âge-là, il a lu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, quel amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, c'est-à-dire pour libérer les esclaves, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Saïd ibn Musayyib découvre que la foi ne se limite pas aux différents actes rituels, mais elle dépasse cela pour englober toutes les œuvres. Toutes les œuvres, la charité. C'est pourquoi il jura de donner de son bien chaque semaine aux 6 catégories de personnes qui ont été mentionnées ci-dessus dans le verset. Et subhanallah, tellement il était sincère que il déposait des gros sacs d'argent devant les portes des pauvres. Et subhanallah, les gens ne l'ont découvert que le jour où on lui a fait le rosl, le lavage, le jour de son enterrement. Comment est-ce qu'ils l'ont découvert? À cause des marques que les gros sacs laissaient sur ses épaules à force de porter. C'est de là qu'ils ont découvert que c'était Saïd ibn Musayyib, qui déposait cet argent-là devant les portes. Un jour, en lisant le verset de Sourate al-Fatir, Sourate le Créateur, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Saïd ibn al-Musayyib décida de devenir un savant. Afin d'atteindre cet objectif, il suivit à tout prix les pas de ceux qui appartenaient, les pas de ceux qui apprenaient par cœur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au point que les gens de son époque le considéraient en tant que l'homme le plus connaisseur. Abdullah ibn Omar radiallahu anhum a dit pour sa part: ne m'interrogez pas, mais interrogez Saïd ibn Musayyib. Subhanallah. Est-ce que vous imaginez un compagnon du prophète alayhi salatu wasalam qui dit ne m'interrogez pas, mais allez interroger quelqu'un de la génération d'après? Il a entendu des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que moi, disait Abdullah ibn Omar. Un compagnon qui dit qu'un successeur a entendu d'autres compagnons plus que lui. Et qui était ce compagnon? Il s'agit de Abdullah ibn Omar. Rendez-vous compte. Un des grands savants parmi les compagnons. Un de ceux qui ont rapporté le plus de hadith. De même, le compagnon Abu Qatada, radiallahu an, il affirmait que Saïd ibn Musayyib est le plus connaisseur du licite et de l'illicite, du halal et du haram. À l'âge de 25 ans, parmi aussi les versets qui ont marqué sa vie, à l'âge de 25 ans, le verset qui marqua sa vie fut dans Surat An-Nur, au verset 26, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Les mauvaises sont pour les mauvais, et les mauvais sont pour les mauvaises. De même, les bonnes, c'est-à-dire les bonnes femmes, sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, et ils ont un pardon et une récompense généreuse. Saïd ibn Musayyib prit la décision de se marier à la lecture de ce verset. Et il chercha la meilleure famille à Médine. À cause du décès de la plupart des compagnons, radiallahu anhum, ou de leur départ loin de Médine, Saïd ibn Musayyib choisit la famille de Abu Huraira, radiallahu anhum. Effectivement, Saïd ibn Musayyib assimila bien le sens de ce verset. Le mariage consiste à rassembler deux familles et non pas seulement un homme et une femme. Qui d'entre nous lit le Coran de cette manière? Êtes-vous conscient de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, êtes-vous conscient que lorsqu'Allah il s'adresse à nous en formulant ces paroles, c'est à toi qu'il s'adresse, ma soeur, c'est à toi qu'il s'adresse, mon frère. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu disait, lorsque vous entendez dans le verset du Coran Ya ayyuhalladhina amanu, prêtez l'oreille, car Allah est en train de s'adresser à vous. Et parmi les versets qui marqua la vie de Saïd ibn Musayyib, un jour, en lisant Surat Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset de cette surat, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud. Ô vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements. Subhanallah, il remarqua également que cette injonction est répétée à plusieurs reprises tout au long de cette sourate. De surcroît, il se souvint que Sayyidina Aisha radiallahu anha lui avait enseigné que cette sourate fut la dernière à être révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, regardez, remarquez, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala répète beaucoup de respecter les engagements et d'y rester fidèle. Et cette sourate est la dernière qui a été révélée au prophète alayhi salatu wasalam. Par conséquent, Saïd ibn Musayyib jura de ne jamais manquer à ses engagements. Où est-ce qu'on en est, mes frères? Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de nos engagements vers Allah subhanahu wa ta'ala? Où en sommes-nous vis-à-vis de nos engagements envers nos frères? Où en sommes-nous vis-à-vis de nos engagements envers nous-mêmes? Un jour, Saïd ibn Musayyib vécut une épreuve très difficile. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, le calife Abdul Malik ibn Marwan envisagea l'idée de faire reconnaître ses deux fils, l'un après l'autre, comme ses successeurs. Ceci n'était jamais arrivé dans l'islam. La Syrie et l'Irak prêtèrent serment d'allégeance à ses deux fils. Ils ont fait la bay'a à ses deux fils, alors que Malik, Abdul Malik ibn Marwan était toujours vivant. Donc il restait le Hijaz, c'est-à-dire la péninsule arabique, là où réside Saïd ibn Musayyib. Mais celui-ci refusa fortement ce serment. Surtout qu'il était le rapporteur lui-même du hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit de prêter simultanément deux serments de fidélité. Ça veut dire que ce n'est pas permis en islam de faire deux fois la bay'a. Ça veut dire de faire la bay'a à une personne, puis de faire la bay'a à une autre personne en même temps, ou yani, anticiper une autre bay'a. Alors, il refusa donc pour ne pas trahir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de peur que le peuple du Hijaz ne fasse comme Saïd ibn Musayyib et le suive dans cette décision, le calife envoya un message au gouverneur de Médine, qui était Hisham ibn Ismail, en lui demandant de proposer à Saïd ibn Musayyib trois choix à ce sujet. Ces trois choix, qu'en était-il? Premièrement, qu'il quitte Médine pour un mois, c'est-à-dire qu'il s'en va de Médine. Ce qui constituait une période suffisante pour que les gens prêtent le serment d'allégeance à ses deux fils. Ça, c'était le premier des choix. Le second, qu'il garde sa maison sous prétexte qu'il était malade. Ça veut dire qu'il ne sort pas de chez lui, il reste assigné, entre guillemets, à résidence jusqu'à ce que les gens prêtent la baya. Et enfin, qu'il prête serment de fidélité ou bien qu'il soit tué. S'il refuse les trois premiers, alors c'est soit l'un, soit l'autre. Saïd ibn Musayyib refusa les deux premiers choix en déclarant « Il est impossible que je quitte la Médina du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans avoir une raison claire et nette. Et il ajouta, je n'ai jamais laissé la prière à la mosquée depuis 30 ans et je ne vais pas la laisser par peur du calife. Toutefois, il accepta le troisième choix. Le calife ordonna alors au gouverneur de Médine de punir Saïd ibn al-Musayyib et de le mettre debout, presque nu, en plein soleil, devant la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en lui infligeant 30 coups de fouet. Subhanallah, en dépit de l'humiliation qu'il sentit et des moments pénibles par lesquels il passa, il se montra ferme et fidèle à son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, le calife lui envoya encore un autre message, très habile, qui le menaça tout en témoignant de la sollicitude à son égard. Ce message lui dit que son refus le conduisait vers la condamnation à mort, ce qui serait une grande perte pour les musulmans et notamment pour les habitants de Médine. Il ajouta que le fils aîné du calife demandait sa fille en mariage en vue de faire régner le calme et la sérénité entre la Syrie et le Hijaz. Donc subhanallah, en même temps que le calife est en train de le menacer, il est en train de chercher à marier son fils aîné à la fille de Saïd ibn Musayyib. Subhanallah. Et donc il ajouta que le fils aîné du calife, comme j'ai dit, demandait sa fille en mariage et que ceci garantirait l'union des musulmans. Saïd ibn Musayyib refusa catégoriquement cette affaire qui l'amènerait tout droit en enfer. Mais le messager du calife l'avertit que le mariage aurait lieu malgré tout, et ce après un mois, et dans le château même du calife en Syrie. Subhanallah, regardez, c'est la politique qu'emploient les gouverneurs et leur stratégie, subhanallah, pour pouvoir parvenir à leur fin. Perturbé donc par cette sentence irrévocable, Saïd ibn al-Musayyib se dirigea vers la mosquée. Il observa longtemps ses disciples, puis interrogea l'un d'entre eux, qui était Abdullah ibn Madaha, sur la raison de son absence. Abdullah lui répondit qu'il a été très affecté durant les jours passés par la mort de sa femme, un de ses élèves. Alors Saïd ibn al-Musayyib lui dit qu'il était prêt à le marier à sa fille. Subhanallah, l'élève étonné, Abdullah ibn Wadaha, l'interrogea sur la raison de son choix, subhanallah, alors que tout le monde sait que sa fille était destinée à se marier avec le fils du calife. Alors Saïd ibn Musayyib lui répondit tout simplement par le verset que nous avons rapporté tout à l'heure, At-tayyibin al-tayyibat, les bons sont pour les bonnes, dans Sourate An-Nur. Et subhanallah, la vérité est que ce mariage irrita profondément le calife, ce qui l'incita à infliger à Saïd 50 coups de fouet. Malgré ce supplice, Saïd ibn Musayyib se montra fort et solide. Mais à cause de ce grave châtiment, Saïd tomba gravement malade, car il rendit son dernier soupir juste quelques temps après cette grande épreuve. Dans l'histoire de Saïd ibn Musayyib, nous pouvons conclure que la lecture attentive et réfléchie du noble Coran nous permet de percevoir la valeur réelle et juste des choses. Et également que la vraie foi est un ensemble qui englobe non seulement l'observation de certains actes rituels, mais aussi tout ce qu'un individu dit ou fait en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, pour conclure, j'aimerais également vous rappeler, vous motiver, vous inciter aux actes d'adoration et aux efforts pendant ce mois béni de Ramadan. Vous avez peut-être lu que certains salafs parmi les tabi'in accomplissaient 200 prières par jour, d'autres 100, d'autres restaient en ruku', alors que certains qui les observaient avaient le temps de réciter Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat al-Baqarah, Surat al-Imran et Surat al-Nisa. Vous avez vu que certains, durant ce mois béni, finissaient le Coran tous les jours, d'autres en une nuit, d'autres en deux jours. Toutes ces lectures ne doivent pas être simplement de simples informations, mais ça doit nous pousser à être meilleurs. Ça doit nous pousser à nous améliorer, à faire les efforts dans ce mois. Et que ces efforts-là nous incitent à continuer après, que ça devienne un élan pour une conduite de vie. Le but, c'est pas de lire 20 fois, 10 fois ou 5 fois le Coran pendant Ramadan et après de laisser le Coran pendant toute l'année. Le but, c'est de lire 20, 10, 15, 5 fois, 2 fois le Coran pendant ce mois et de continuer à accentuer, à faire les efforts dans sa lecture durant le reste de l'année. Le Ramadan, c'est une école pour les autres mois. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit les jeûnes comme on l'a prescrit à ceux qui sont venus avant vous, dans le but que vous soyez pieux. La'allakum tattaqun, afin que vous soyez craignant, que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala, afin que vous ayez la taqwa. Ça veut dire que le Ramadan est un rappel pour nous. Le Ramadan est une école qui nous forme pour les autres mois de l'année. Chacun d'entre nous, subhanallah, doit faire l'effort d'augmenter ses prières quotidiennes. Celui qui ne faisait pas les prières surrogatoires, alors il doit essayer de commencer à les faire. Celui qui faisait des prières surrogatoires, alors il doit essayer d'augmenter ses prières surrogatoires-là. Celui qui ne lisait pas le Coran, alors doit lire le Coran pendant ce mois. Celui qui le lisait doit accentuer dans sa lecture. Il doit progresser dans sa lecture, dans sa méditation. Telle est l'importance et les buts de ce mois béni et des adorations dans ce mois béni. Et j'aimerais, subhanallah, également faire un rappel en ce qui concerne la prière de Tarawih. Wallahi, wallahi, wallahi, si on a attendu toute l'année pour faire le Ramadan, parmi les bienfaits, c'est bien aussi, en fait partie, les prières de Tarawih. Subhanallah. Et le Tarawih, on parle de Tarawih, c'est pas forcément la mosquée, parce que le Tarawih concerne aussi les femmes. Priez dans vos maisons. Et le Tarawih concerne également les hommes à la mosquée. Et celui qui n'a pas les moyens et la possibilité d'aller dans une mosquée, alors qu'il l'accomplisse dans sa maison. Subhanallah. À quoi a passé celui qui a jeûné le mois de Ramadan sans avoir accompli les prières de Tarawih? À quoi est-ce qu'il a passé ses nuits? Ne négligez pas cela. Wallahi, normalement, à la fin du Ramadan, vous devez être épuisé. Le Ramadan, ce n'est pas un mois dans lequel on se restaure, dans lequel on profite d'un certain confort. Non, le Ramadan est un mois d'effort, un mois dans lequel on se fatigue. On se fatigue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans lequel, subhanallah, un mois où il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh ordonnait aux gens d'accomplir la prière en 11 raka'a. Et les sahaba, tellement ces prières étaient longues, ils s'appuyaient sur des cannes pour tenir debout. Naam, le Ramadan est un mois de fatigue et d'effort. Ne pensez pas que le Ramadan est un mois dans lequel on jeûne, on s'abstient de manger, on s'abstient de boire et qu'on lit deux ou trois pages du Coran et c'est suffisant. Non, fatiguez-vous, ya ikhwan, mes frères, mes sœurs. Fatiguez-vous dans ce mois à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Endormez-vous s'il faut, sur votre tapis de prière à force de faire les invocations. Piquez du nez lorsque vous lisez le Coran. Ceci est la marque. Ceci est la marque de vos efforts. Ceci est la marque que vous vous fatiguez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktifi ala hadha al-qadr. Wa sallallahuma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.